Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, sur le poste, une aventure qu'on peut aussi écouter sur l'ordi ou le téléphone à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver autour de nouveautés sonores qui rendent magnifiquement compte des chemins empruntés par les nouvelles musiques ou musiques nouvelles. C'est tout comme ces projets de création qui combinent le vocabulaire des musiques traditionnelles au bruissement sonore du monde qu'on retrouve tout aussi bien dans la nature qu'à l'écoute du grésillement des fils électriques ou des machines numériques. Dans cette veine, je vous propose ce soir l'écoute de deux magnifiques propositions, l'essentiel d'un projet intitulé Nightscape du créateur canadien d'origine mexicaine Alfredo Santa Anna, qui va nous proposer en seconde demi-d'émission une savante collection d'artefacts acoustiques. Mais pour débuter, on débute ça avec une création de Lia Cole, une compositrice, violoncelliste et artiste multidisciplinaire américaine. Une très belle création intitulée « Second Picture of the Same Weather Pattern ». Bon, je traduis « Seconde image du même modèle météo », vous connaissez. C'est tiré de l'album « Too Small to be a Plane », un album écrit et enregistré par Lia entre septembre 2020 et mars 2021 à Chicago. Alors on écoute ça. Thank you. Eh bien, je vous parle de Lia Cole, une artiste du violoncelle, compositrice, improvisatrice et artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Chicago. Lia crée et interprète des performances musicales, sonores et multimédia qui intègrent de la vidéo, du mouvement, de l'art théâtral et des objets sculpturaux dans une perspective expérimentale. Bon, ça a l'air bien intéressant tout ça. Elle a présenté des œuvres et joué à l'Art Institute of Chicago, au Musée d'art contemporain de Chicago, au Walker Art Center et au Chicago Symphony Center notamment. Elle a réalisé de nombreuses résidences à titre d'artiste, de musicienne et de commissaire, et puis elle a participé à des échanges culturels avec le Mexique, France, l'Allemagne, le Danemark et j'en passe. Lia Cole s'est fait, dit-on, une solide réputation sur la scène des musiques expérimentales de Chicago et elle a collaboré avec une multitude d'artistes plutôt réputés. Les éléments constitutifs de ce premier album qu'on écoute ce soir, Too Small to Be a Plane, ont été rassemblés au fil d'une exploration quasiment improvisée. J'ouvre les guillemets. Chaque jour, raconte Lia Cole, j'allais dans mon studio et je faisais quelque chose. Même s'il s'agissait de faire une boucle de synthétiseur d'une minute, d'une petite improvisation violoncelle ou bien de la captation du crépitement d'une radio, tout ça faisait émerger les petits fragments d'une mélodie à venir composée de parasites et de textures constituant la trame d'une aventure à découvrir. Je referme les guillemets, on écoute cette fois la pièce titre de l'album, un chant atmosphérique particulièrement réussi. Ça s'intitule, c'est le titre de l'album, Too Small to Be a Plane. Thank you. sounds pretty good. Just had a wink. Too small to be a bird. Eh bien, à propos du processus qui a mené la création de cet album « Too Small to be a Plane », Lia Cole raconte qu'elle a fait cet album comme on rassemble de minuscules pierres de plage. Rien ne tient tout seul au départ, mais après quelques temps, vous vous retrouvez avec une collection. Alors, on comprend toute la place et l'ouverture que fait Lia Cole au hasard dans le travail de création. Malgré l'apparente rigueur compositionnelle de cette collection, dit-elle, la plupart des composantes sonores sont improvisées. Lia réalise des captations sonores spontanées dont le point culminant est souvent inattendu, là où des couches de violoncelle soupirant se métamorphosent en sonorités proches de l'orgue. On peut sans doute dire que Lia Cole possède une démarche aventureuse, mixant assez brillamment le violoncelle à des enregistrements sur le terrain, composés de sonorités très familières, les chants d'oiseaux, carillons éoliens, crépitements et bourdonnements de conversation. On écoute cette fois une création intitulée « Delivered Back to You » Over and over again, livré chez vous encore et encore. On écoute ça. Je m'en voudrais de compléter la demi en compagnie de Lia Cole sans évoquer son tout dernier album intitulé Normal Sounds, un album qui prolonge et consolide sa démarche musicale et sonore autour de ses combinaisons insolites de sonorités du quotidien. Particulièrement ludique, Normal Sounds est un projet construit autour d'enregistrements de sons qui échappent comme tel au monde de la musique. Bon, sans doute, bourdons de réfrigérateurs, bips d'épicerie, klaxons de voiture, sonorités d'ondes radio qui sont intégrées à des sonorités de violoncelle et de synthétiseurs qui font ressortir, raconte Lia Cole, la beauté du bruit insensé du monde. Dans cette veine, on écoute une création intitulée Ignition Snickers. C'est tiré de l'album Normal Sounds de Lia Cole. On écoute ça. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi en compagnie de Lia Cole, violoncelliste, artiste fasciné par les sons de la vie quotidienne, sonorité que nous avons tendance, dit-elle, à ignorer ou à entendre passivement. On termine ça avec une création tirée du dernier album de Lia Cole intitulé Normal Sounds, lancé en août 2024. Restez des nôtres, je vous reviens après la pause. On va écouter les œuvres d'Alfredo Santana. Alors à tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone, on se retrouve ce soir autour de nouveautés sonores et musicales, nouveautés qui illustrent les routes empruntées par les nouvelles musiques, notamment à la suite de Lia Cole, qu'on a entendu en première demi. Je vous propose maintenant l'écoute d'un magnifique projet réalisé par le compositeur canado-mexicain Alfredo Santa Anna. Un projet intitulé Nightscape, paysage nocturne, qu'il a réalisé entre juillet et novembre 2020 sur le territoire ancestral et non cédé des peuples Salish de la côte vivant dans le nord-ouest du Pacifique en Colombie-Britannique. Pour vous donner le goût de faire durer l'écoute jusqu'à 22h, je vous fais jouer une première création tirée de l'album Nightscape. Ça s'intitule It's in the Soil. Voilà, c'est dans le sol, on écoute ça. Thank you. Eh bien, Alfredo Santa Anna nous présente son projet Nightscape comme une sorte de collection d'artefacts sonores, des sons laissés pour compte, dit-il, qu'il a rassemblés dans un continuum de 17 pièces évoquant les musiques qui accompagnent le randonneur lors d'une expédition nocturne à travers une ville abandonnée, découvrant les sons diffus du piano, d'oiseaux, d'orgues, de voix, de cloches, de trompettes et de boîtes à rythme désaccordées. Alfredo souligne qu'il s'agit d'une esthétique musicale inspirée par la nostalgie, l'isolement et le temps, construite tout ça autour de sons tout autant notés qu'improvisés. Petit à petit, raconte Alfredo Santa Anna, la musique de Nightscape se veut une communion avec l'incertitude qui l'a inspirée, suggérant que parfois, même après l'aube, la nuit est encore présente. Alors on écoute Echoes from a Vanishing Paracosme, que je traduis par écho d'un paracosme en voie de disparition, pour vous rappeler en passant que le paracosme est un monde imaginaire fantastique inventé par les enfants. Eh bien, pianiste, compositeur, artiste, Alfredo Santa Anna est né au Mexique, à Mexico plus précisément. Il vit et travaille à Vancouver depuis 2003. Il obtenait en 2010 un diplôme de formation en musique à l'Université de la Colombie-Britannique et complétait une thèse de doctorat basée sur l'idée d'une forme sonore éphémère à grande échelle tout ça exprimé par un quatuor à cordes. Compositeur associé au Centre de musique canadienne, il écrit de la musique de concert, de la musique électronique et parfois même de la musique de film. On écoute cette fois un enchaînement de courtes pièces tirées de son album Nightscape, paru en 2021. Un album qui compte, je le souligne, sur la poésie et les créations orales d'Alfredo González Burrett, Colin Brown, Alison Santa Anna et Luis J. Rodriguez. Alors, on écoute ça. Thank you. what's the difference? I shan't know anything anyway. I say, I hope I haven't frightened you. No, I'm not frightened. Good girl. Your Sparks, you said he was dead. Hasn't he got a shoot? Captain Evans, cannon shell. June, are you pretty? Not bad. Can you hear me as well as I hear you? Yes. You've got a good voice. You've got guts, too. It's funny, I've known dozens of girls. I've been in love with some of them, but the American girl whom I've never seen and who I never shall see will hear my last words. That's funny. It's rather sweet. June, if you're around when they pick me up, turn your head away. Perhaps we can do something, Peter. Let me report it. No, no one can help. Only you. Let me do this in my own way. I want to be alone with you, June. Where were you born? Boston. Mass? Yes. That's a place to be born. History was made there. Are you in love with anybody? No, no, don't answer that. I could love a man like you, Peter. I love you, June. Your life, and I'm leaving you. Where do you live? On the station? No, in a big country house about 5 miles from here. Lee Woodhouse. Old house? Yes, very old. God, I'll be a ghost and come and see you. You're not frightened of ghosts, are you? It'd be awful if you were. La musique que j'écris est assez diversifiée, raconte Alfredo Santana, qu'on vient d'entendre, et donc difficile à catégoriser. J'ai créé de la musique électronique pour le théâtre, de la musique d'orchestre pour la danse et une œuvre in situ pour 18 guitares électrique. Au cours des dernières années, j'ai joué de la guitare dans un groupe rock et produit un projet musical intitulé Ghost Shepherd avec sa partenaire, l'écrivaine et musicienne Alison Santa Anna. Alfredo raconte qu'il a eu aussi l'occasion de collaborer avec des artistes canadiens réputés, l'Orchestre symphonique de Victoria, l'Orchestre symphonique de Vancouver. Et plus récemment, le chœur des jeunes de l'Université de Lisbonne ont interprété ses œuvres. Alors voilà, on écoute deux titres encore là tirés de ce bel album intitulé Nightscape. Alfredo Santa Anna a composé de la musique de film dont il retire en 2022 une nomination au Western Canadian Music Award pour la rubrique compositeur média de l'année pour le film Chained. Le réalisateur du film, Titus Heckel, raconte que la musique d'Alfredo est à la fois universelle et actuelle. suggérant simultanément le danger, la tristesse et l'innocence, la bande originale du film Chained évoque à merveille l'histoire du passage des garçons à l'âge adulte en abordant les grands thèmes de la masculinité. Écrite presque entièrement sur un synthé XD Korg et des échantillons de batterie créés et interprétés par le compositeur-batteur James B. Maxwell. Alors, on écoute un extrait de cette musique du film Chain du réalisateur Titus Hickel, musique d'Alfredo Santa Anna, tout ça paru en 2022. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Lia Cole et Alfredo Santa Anna. Grand merci à Lia et à Alfredo de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que l'on retrouve sur Bandcamp, sur le label Shinkoyo Artist Pool. Pour Lia Cole, que je remercie, ainsi que Flora Bell. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine ça sur des sonorités d'Alfredo Santa Anna. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans Limoilou, à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.